Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, la dernière réussite d'Almodovar. Dans l'obscurité, un homme écrit, vit et aime. 14 ans auparavant, il a eu un violent accident de voiture dans l'île de Lanzarote. Dans l'accident, il a non seulement perdu la vue, mais aussi Lena, la femme de sa vie. Tu m'éteins ça ! Où tu vas ? Ernesto, je te quitte. Je t'en supplie, Lena. Adieu. Lena, écoute-moi, Lena. Laisse-moi. Je ne sais pas de quoi vous avez parlé ces derniers jours, mais je sais ce que je ne vous ai pas dit pendant ces 14 ans. C'est un piège pour que tu reviennes. La fiche du film, c'est un avis de recherche, ni plus ni moins. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Matteo. Parle-moi, Matteo. Matteo est mort, Judith. Étreinte brisée, Pedro Almodovar nous offre un superbe film avec Penélope Cruz, Blanca Portillo et Luis Llomar, un DVD Fox Pathé repart.